Chapitre 9e. Les chauves-souris à la fenêtre. Le concert devait avoir lieu un jeudi, et Lord Mount Severn avait fixé le samedi suivant comme devant être le jour de son départ définitif du château d'Eastline. Tous les préparatifs du voyage avaient été faits, mais dès le jeudi au matin, il devenait une fois encore inutile. Le comte venait d'être pris en effet d'une nouvelle attaque de sa terrible maladie. L'on avait la hâte d'envoyer chercher le docteur Wainwright, le médecin de West Lynne, et Lord Mount Severn, étendu sur son lit, mécontent, irrité et en proie aux plus atroces douleurs, se voyait de nouveau obligé de demander l'hospitalité à Carlisle. « Il me faudra rester ici encore une semaine, un mois peut-être, » s'écria-t-il avec mauvaise humeur en s'adressant à Lady Isabelle, qui se tenait debout au chevet de son lit. « Calmez-vous, mon père, » disait Isabelle, « Eastline vous semble donc bien triste ?»« Ce n'est pas cela, » reprenait le comte. « J'ai d'autres motifs qui m'engagent à quitter le château. « Vous ne pouvez maintenant aller au concert, » ajouta-t-il. « Comment cela, mon père ?»« Je ne puis vous accompagner, et vous ne comptez pas y aller seul, sans doute. »« J'ai promis d'y être, et si je n'y allais point, on pourrait supposer que je n'ai jamais eu l'intention de m'y rendre. »« Puisque les Ducis devaient nous accompagner, j'irai avec eux, si vous le permettez. »« Certainement, » ajouta le malade. Plus tard, dans la journée, le comte éprouva un redoublement de fièvre et divers accidents sympathiques. Isabelle, qui s'était retirée dans sa chambre, ignorait le danger qui menaçait le comte. Il ne pouvait entendre les cris et les gémissements que lui arrachaient ses cuisantes douleurs. Elle s'habilla toute joyeuse et en riant intérieurement de ce qu'il considérait comme une escapade. Dès qu'Isabelle fut prête à partir, elle entra dans la chambre de son père. « Suis-je bien ainsi ? » demanda-t-elle le sourire sur les lèvres. Lord Mount Severn rabaissa les draps qui couvraient son visage et porta sur sa fille des yeux endolorés et gonflés par la souffrance. C'était une bien douce vision que celle qui se présentait ainsi subitement à ses regards. Vêtue d'une robe de dentelle blanche, aux plis flottants et gracieux, son joli cou prisonnier dans un collier de diamants, ses bras délicats entourés de joyaux, sa fine chevelure retombant en anneaux soyeux le long de ses joues empourprées, tout enfin dans sa mise et dans son port majestueux la faisait ressembler à une fée rayonnante de beauté. Le comte la contempla quelques instants muet d'admiration. « Vous êtes folle, Isabelle, » lui dit-il enfin. « Pourquoi avoir fait une telle toilette ?»« Marvel est également furieuse, » répondit gaiement la jeune fille. « Mais c'est avec intention que je me suis habillée de la sorte. Je veux montrer aux gens de West Lynne que le concert d'un pauvre musicien vaut la peine qu'on y aille et qu'on fasse des frais de toilette. » Tout le monde vous regardera avec étonnement. « Tant pis pour tout le monde, je poursuis mon idée, » fit-elle en riant comme une espiègle. « Ouf !» s'écria le comte en bondissant sur son lit. « Qu'avez-vous ? » demanda Isabelle, saisie de frayeur et toute tremblante. « Je viens d'éprouver un de ces horribles élancements, » grimaça le comte. « Et il faut me laisser mon enfant, je souffre terriblement. »« Si vous le désirez, mon père, » reprit Lady Isabelle, « je renoncerai à ce concert et je resterai près de vous. »« Non, » murmura le malade en se tordant sur sa couche, « je préfère n'avoir personne ici. D'ailleurs, vous ne pourriez m'être d'aucune utilité. » « Adieu, mon enfant, et si vous rencontrez Carlisle, dites-lui que j'espère le voir demain. » Le concert eut lieu dans un édifice situé sur la place du marché et que les habitants de la localité avaient pompeusement décoré du titre d'hôtel de ville. Plus d'un chef-lieu de département serait fier de posséder une salle aussi vaste, aussi bien aérée et aussi sonore que l'était celle que l'on avait mise à la disposition de M. Kane. En fait d'exécutant, l'organiste de Saint-Jude avait fait de son mieux pour réunir ce soir-là les meilleurs artistes de l'endroit. De plus, il avait fait venir de Londres une musicienne tout à fait inconnue, mais dont on disait des merveilles. Barbara Hare se fut bien gardée, on le pense, de manquer cette soirée. Mais comme sa mère se sentait trop souffrante et trop abattue pour l'y accompagner elle-même, il fut décidé qu'elle irait avec le juge, son père, et qu'en chemin, il passerait prendre Carlisle et Cornélie. On proposa de louer un fiacre pour l'occasion, mais cette proposition fut combattue par Mademoiselle Carlisle, qui voulut savoir si Barbara avait perdu l'usage de ses jambes. La nuit était belle, la distance très courte, et Barbara ne demandait vraiment pas mieux que de faire la route à pied, côte à côte avec Carlisle. C'est la même ce qui arriva. Mademoiselle Cornélie et le juge marchèrent en avant, bras dessous, et Carlisle, qui les avait laissés prendre les devants, les suivit tranquillement en compagnie de Barbara. Pourquoi venez-vous si rarement nous voir ? Demanda Barbara. J'ai été très occupé dernièrement, répliqua Carlisle. Le comte accapare toutes mes soirées. Il est triste et morose, et il aime que j'aille le distraire. Il compte s'en aller samedi prochain, et alors je serai plus libre de mon temps. On vous attendait hier au soir au presbytère, et je guettais avec impatience votre arrivée. J'avais pourtant prévenu, monsieur et madame Little. Je leur avais dit que j'étais invité à dîner à Eastline. Ah, fit Barbara. Il semble qu'Eastline est pour vous un endroit bien attrayant. Hier au soir, ajouta-t-elle, en s'efforçant de maîtriser son émotion, on prétendait que si Lady Isabelle n'était point ce qu'elle est, c'est-à-dire de si noble famille, on pourrait supposer que vous lui faites la cour. En vérité, interjeta Carlyle, on est bien bon de s'occuper ainsi de moi, et je suis étonné, Barbara, que vous fassiez l'écho de pareils bruits. Je ne me répète que ce que j'ai entendu, ajouta Barbara, le cœur palpitant. On m'a assuré, continua-t-elle, que cette Lady Isabelle possède une voix ravissante. Est-ce vrai? Je ne vous conseille point d'adresser cette question à Cornélie, fit l'avoué en souriant. Pour sûr, elle vous recevrait comme elle m'a reçu le jour où j'osais lui dire qu'Isabelle avait un visage d'ange. Barbara leva rapidement les yeux et les fixa sur Carlyle. Sa figure, qu'éclairait en entier la réverbération du gaz, était pâle et altérée. Est-il vrai? Demanda-t-elle avec anxiété. Est-il vrai que vous la trouvez si jolie? Je crois en effet l'avoir dit à Cornélie, répondit l'avoué d'un ton enjoué, mais elle m'a si promptement coupé la parole que je n'en suis pas tout à fait convaincu. À peine achevait-il ces paroles que Barbara et lui se trouvaient à la porte de la mairie, au milieu d'une foule compacte rangée des deux côtés de la route pour voir défiler la longue queue de piétons qui envahissait la salle. À quelque distance et un peu en dehors de la voie publique stationnait la calèche de Lord Mountsavern. Le cocher était gravement assis sur son large siège, recouvert d'une housse à longues franges, et deux laquais poudrés se tenaient debout près de la portière. « Lady Isabelle est là, » fit Barbara au moment où elle passait devant la voiture. Carlyle s'arrêta, tout surpris. Il ne pouvait s'expliquer pourquoi et comment elle se trouvait seule dans la voiture. Où était le comte? Et qui attendait-elle ainsi? Il comprit enfin que quelque chose d'étrange était survenu, et s'excusant auprès de Barbara, il la quitta un instant pour aller s'informer lui-même de ce qui était arrivé. En moins d'une seconde, il fut en présence de Lady Isabelle, qui, dès qu'elle l'eut aperçue, se pencha vers lui et lui apprit qu'elle attendait l'arrivée de Madame Ducy pour rentrer avec elle dans la salle. « Mais où est le comte ?» demanda Carlyle. « Comment ?» répondit Isabelle. « Vous ignorez donc qu'il est malade ?»« Malade ?» répéta l'avoué. « Oui, nous avons voulu chercher le docteur Wainwright. Dès 5 heures ce matin, et c'est à peine s'il l'a quitté un seul moment. » « Mon père, ajouta-t-elle, m'a chargé de vous prier de venir le voir demain. » Carlyle prit congé de Lady Isabelle et rejoignit la hâte Barbara, qui l'attendait avec impatience. Tous deux se mirent à monter l'escalier qui conduisait au concert. En cet instant, le roulement d'une voiture se fit entendre. Les curieux, échelonnés de chaque côté de l'entrée, se reculèrent de quelques pas en arrière, et Barbara, qui venait de retourner la tête, aperçut derrière elle l'honorable Madame Ducy, accompagnée de ses deux filles et de Lady Isabelle. M. Kane s'empressa de venir à leur rencontre, et leur frayant le passage, il les conduisit tout près de l'orchestre où il leur avait réservé des sièges. Lady Isabelle, avec sa ravissante toilette et sa beauté merveilleuse, attira sur elle les regards de la salle tout entière. Les demoiselles Ducy, jeunes filles d'un extérieur très ordinaire, et vêtues ce soir-là de simples robes de soie brune, témoignaient leur mécontentement et leur dépit en retroussant leur nez d'une manière plus accentuée encore que Dame Nature ne s'était chargée de le faire. « La pauvre fille est bien à plaindre, mes enfants, » murmura tout bas Madame Ducy en poussant un soupir. « Elle a perdu sa mère, et elle n'a personne pour la guider et lui inculquer les bonnes manières. Cet accoutrement ridicule doit être l'œuvre de sa servante. » Mais en dépit de sa mise, soi-disant ridicule, Lady Isabelle n'en était pas moins la reine de la soirée. Elle brillait là comme Alice au milieu de pavots et de bluets. Mademoiselle Carlyle, le juge et Barbara eurent également le privilège de se voir placés près de l'orchestre. Car Mademoiselle Carlyle était une personne d'importance et pour laquelle on avait toujours de très grands égards. Quant à Carlyle, il avait préféré se joindre aux hommes qui formaient cercle auprès de la porte. La salle était comble et c'est à peine si l'on pouvait s'y retourner. Ce fut, on le conçoit, une bonne aubaine pour ce pauvre Kane qui s'extasiait devant Lady Isabelle, son ange gardien. Le concert, comme tous ceux qui ont lieu dans les petites villes, traîna en longueur. On allait entamer la troisième partie quand une tête poudrée, plus volumineuse que ne pourrait l'être le chou-fleur le mieux cultivé, apparut tout à coup sur l'escalier et se balança bientôt au-dessus du groupe de spectateurs qui obstruait la porte d'entrée. Cette tête appartenait à l'un des laquais de Lord Mountsevern, le gigantesque valet, qui se faisait également remarquer par d'énormes mollets recouverts de bas de soie, pénétra dans la salle d'un air effaré et en priant les personnes qu'il dérangeait de vouloir bien l'excuser. Il arriva à un moment où, pressé de tous côtés, il fut obligé de faire halte et sa grosse tête, qui dominait la foule, se tourna avec inquiétude vers les quatre coins de la salle. « Ah ça, faites donc attention !» grommela un vieux monsieur qui se trouvait désagréablement coudoyé par le laquais géant. « Ces grands gaillards, ajouta-t-il, sont d'une impudence incroyable. » « Rendons-lui cette justice, le grand gaillard en question ne songeait nullement alors à se donner des airs. Il était au contraire fort mal à l'aise et se fait volontiers souhaiter ailleurs. Son regard humble et agité, après s'être promené par toute la salle, se fixa enfin sur Carlyle. Le pauvre diable parut respirer plus librement. Il s'avança vers l'avoué et, le saluant avec respect, lui demanda s'il savait où se tenait Lady Isabelle. « Tout à l'extrémité de la salle, près de l'orchestre, répondit Carlyle. « Je n'y arriverai jamais à travers cette foule, ajouta le laquais. Et cependant, il est de toute nécessité que je prévienne notre jeune dame que son père est au plus mal. » Carlyle fit un bond comme s'il eût été électrisé. « Oui, monsieur, continua le valet, on désespère de le sauver. Ses cris sont épouvantables. Il y a deux médecins auprès de lui et l'on en a appelé d'autres en consultation. Madame Hazon m'a chargé de venir en toute hâte avec la voiture chercher Lady Isabelle. Nos chevaux sont en nage tant ils ont galopé. J'irai moi-même prévenir votre maîtresse, fit Carlyle. Dans un instant, nous serons en bas. Merci bien, monsieur, répondit le laquais en s'empressant de quitter la salle. On venait de commencer une romance pathétique, mais sans se préoccuper le moins du monde du mécontentement et des murmures qu'il soulevait autour de lui, Carlyle fendit la foule et arriva auprès de Lady Isabelle. « J'ai cru que vous ne viendriez point me parler de la soirée, » lui dit la jeune fille, « et cependant je suis si heureuse. Quelle belle chambrée !»« Superbe !» ajouta Carlyle, sans trop savoir ce qu'il disait et qui ne songeait qu'au moyen de révéler à la jeune femme la terrible nouvelle. Il y eut un moment de silence, puis, se penchant vers elle, « Lord Mountsevern ne se trouve pas mieux, » murmura-t-il. « Il vient d'envoyer la voiture afin que vous retourniez auprès de lui. »« Mon père est plus mal ?» s'écrie Isabelle. « Il n'est pas aussi bien, » répliqua l'avoué sans trahir l'émotion qu'il éprouvait. « Cependant, il désire que vous reveniez à l'instant. Voulez-vous accepter mon bras ?»« Ce pauvre père, » continua Isabelle en riant, « il pense à tout. Il a voulu m'éviter un excès de fatigue. Je vous remercie, monsieur Carlyle, mais je préfère rester jusqu'à la fin. »« Vous ne m'avez pas compris, Lady Isabelle, » reprit Carlyle. « Votre père est réellement plus mal. » Sa physionomie prit alors une expression sérieuse sans qu'elle révélât cependant la moindre frayeur. « C'est bien, » ajouta Isabelle. « Je partirai dès que la romance sera terminée. »« Non, non, » continua vivement Carlyle, « ne perdons pas un instant et partons sur le champ. » Elle se leva et prit le bras de l'avoué, qui en quelques mots prononcés à voix basse, expliqua à Madame Ducie tout ce qui se passait. Puis, se frayant de son mieux un chemin à travers l'auditoire étonné, il conduisit Lady Isabelle jusqu'au carrosse qui attendait devant le perron. Un laquais, non pas celui dont nous venons de parler, mais un autre, récemment entré au service de la famille et qui arrivait de la campagne, se tenait contre la portière. Isabelle, dès qu'elle l'eut aperçu, quitta le bras de Carlyle et courant à lui, elle s'enquit de son père. « Il est au plus mal, » fit le laquais, sans trop comprendre la portée de ses paroles. « Il pousse des gémissements atroces, mais on espère qu'il vivra jusqu'au jour. » Un cri perçant, aigu, s'échappa alors de la poitrine de la pauvre enfant. Ses jambes fléchirent sous elle, et pour ne pas tomber, elle fut obligée de s'accrocher au bras de l'avoué. Carlyle fit brusquement reculer loin de lui le mal avisé laquais. Il l'eût volontiers envoyé mesurer la terre. « Oh, monsieur Carlyle !» criait en tremblant la jeune fille. « Pourquoi m'avoir caché la vérité ?»« Je ne puis que regretter qu'on vous l'ait révélée aussi subitement, » répliqua l'avoué, « mais je vous en conjure. » « Soyez plus calme et espérons encore. Peut-être n'est-ce là qu'un de ces accès habituels. Allez-vous m'accompagner? C'est mon désir. Je ne voudrais pas vous laisser retourner seule. » Elle se recula dans l'un des coins. « Merci, » fit Carlyle, « mais j'irai sur le siège. »« Non, il fait trop froid, » s'écria Isabelle. « « Soyez sans inquiétude pour moi, » ajouta Carlyle, et se disant, il referma la portière, monta s'asseoir près du cocher, et la voiture partit. « Allons, ventre à terre, » dit Carlyle en s'adressant à Wells. « Lady Isabelle se meurt d'impatience. Elle en fera pour sûr une maladie. » « Ce sera bien pire encore demain matin, » se hâta d'ajouter le cocher. « Voilà 15 ans que je suis au service du comte et j'ai vu grandir sa fille, qui n'était alors qu'un enfant. » continua-t-il, comme s'il cherchait à s'excuser du ton quelque peu familier avec lequel il entamait la conversation. « Et pensez-vous que Lord Mount Severn soit aussi sérieusement malade qu'on le dit ?»« Oui, monsieur, il est au plus bas. C'est une goutte remontée. Et vous savez que lorsque la goutte abandonne ainsi brusquement les articulations pour s'emparer de l'estomac, il y a peu de chances de sauver le malade. J'ai appris d'ailleurs que le docteur Wainwright est d'avis que le cœur est fortement compromis. Ce n'est pas la première fois que le comte est pris d'un semblable accès. C'est juste, monsieur. Mais cette attaque n'a rien de commun avec les autres. Et puis, ajouta Wells d'un air mystérieux et en baissant la voix, ces chauves-souris n'annoncent rien de bon. Quelles chauves-souris ? Demanda Carlyle. Vous savez bien que c'est un signe certain que la mort est proche. Bah, que me comptez-vous là ? Fit Carlyle avec impatience. Eh bien, nous les avons vus rôder ce soir autour de la maison. Qui, quoi, les chauves-souris ? Il n'y a là rien qui ne soit fort naturel. N'ont-elles pas toujours l'habitude de sortir la nuit ? Répondit l'avoué en fixant attentivement les yeux sur le cocher, car elle commençait à craindre qu'il n'eût trop bu et qu'il n'extravagât. « Ah, monsieur, » reprit Wells, « il est bien rare qu'on les voie voler ainsi en troupe et pénétrer par les fenêtres. Ce soir, après avoir conduit notre jeune maîtresse au concert, et après être retourné à l'écurie, je venais de donner l'ordre au palefrenier de dételer lorsque Mme Mason me fit appeler. Elle m'attendait dans la bibliothèque, tout près de la chambre à coucher de monsieur le comte. Je montai et je frappai à la porte. « Entrez !» me répondit une voix, celle de Mme Mason. J'entrai et je vis cette dame accoudée à la fenêtre. « C'est un singulier moment que vous avez choisi là pour prendre l'air, » lui dis-je. « Il gèle la pierre fendre. »« Approchez-vous !» qu'elle me dit alors brusquement. Je m'approchai et de ma vie, monsieur, je ne me souviens avoir vu un pareil spectacle. Il y en avait des masses, des centaines, une vraie nuée, enfin. Et toutes battaient des ailes, se précipitaient contre les vitres, entraient par les croisées ouvertes, voltigeaient au-dessus de nos têtes et effleuraient nos visages. « Wells, » me dit Mme Mason, « c'est étrange, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que cela signifie ? Ceci n'augure rien de bon, » répondis-je. Elle se mit à rire, car elle n'est pas superstitieuse, cette dame. Elle fait fi des rêves, des visions et des apparitions. C'est une femme instruite qui même a été jadis la gouvernante de Lady Isabelle, et ces femmes-là sont trop éduquées pour être crédules. « Et comment interprétez-vous ceci ?» continua Mme Mason. « Je ne me souviens pas, » répliquai-je, « d'avoir jamais vu un aussi grand nombre de ces bêtes à la fois et dans une circonstance semblable. Mais j'ai souvent entendu dire que lorsqu'elles s'assemblent de la sorte, c'est un indice certain que la mort n'est pas loin. »« Espérons que la mort ne va pas s'installer ici, » observa la dame en fermant aussitôt les fenêtres. Les chauves-souris continuaient à frapper les carreaux de leurs ailes. Mme Mason m'entretint pendant quelques minutes encore, me communiquant ce qu'elle avait à me dire. Puis, quand elle eut terminé, je levai les yeux et je ne vis plus une seule chauve-souris. J'ouvris la fenêtre, je regardai à droite, à gauche, de tous côtés enfin. Elles avaient toutes pris leur volée. « Probablement pour aller frapper à d'autres vitres, » ajouta Carlyle en souriant d'un air incrédule. Bientôt après, continua le cocher, tout le château était sans dessus-dessous. Milord était à l'article de la mort, et le docteur apprenait aux gens de la maison que la goutte, après avoir atteint l'estomac, allait attaquer le cœur. « Il faut espérer, » observa Carlyle, « qu'en dépit de la goutte et des chauves-souris, le comte échappera encore au danger qui le menace. » Le cocher secoua la tête en signe de doute, et fouettant ses chevaux, il les fit entrer au triple galop par la grille du château, et en moins d'une seconde, la calèche s'arrêta devant le perron, sur les marges duquel se tenait Mme Mason, prête à recevoir Lady Isabelle. Carlyle sauta bas du siège et, ouvrant la portière, il offrit son bras à la jeune fille. « Va-t-il mieux ? Puis-je aller dans sa chambre ? » murmura-t-elle d'une voix chevrotante et pleine d'anxiété. « Oui, le comte allait mieux. Du moins, il ne souffrait plus autant et il était, pour ainsi dire, privé de sentiments. » Lady Isabelle se précipita, en toute hâte, dans la chambre à coucher. Carlyle fit signe à la femme de charge de s'approcher. « Y a-t-il encore quelque espoir ? » demanda-t-il. « Aucun. Il se meurt, » répondit Mme Mason. Le comte était évanoui et par conséquent, il ne pouvait reconnaître personne. Étendu sur son lit, sa figure était déjà empreinte du cachet de la mort. Lady Isabelle ne poussa pas un cri, ne versa pas une larme, mais elle tressaillit intérieurement. « Sortira-t-il bientôt de cette défaillance ? » murmura-t-elle en se penchant à l'oreille du docteur. Wainwright, fort embarrassé, ne savait que répondre. Il se mit à balbutier quelque chose d'inintelligible. « Mais pourquoi son visage est-il si pâle ? » continua la jeune fille. « Jamais je n'ai rien vu de si triste. »« C'est le résultat des souffrances qu'il vient d'endurer, » répliqua le docteur. Carlyle venait d'entrer dans la chambre. Il remarqua lui aussi le teint cadavéreux de Lord Mountsevran et voulut emmener le médecin pour lui adresser quelques questions. Lady Isabelle s'approcha alors de Carlyle. « Ne nous quittez point, » lui dit-elle. « À son réveil, cela lui fera tant de bien de vous trouver ici. Il vous est tellement attaché. » « Je n'ai nulle intention de m'en aller. Je reste. » L'aiguille de la pendule marchait lentement, les minutes semblaient des heures. Le groom que l'on avait chargé d'aller quérir d'autres médecins revint enfin en en amenant trois à la suite. Il pensait que du moment qu'il était en train, mieux valait en avoir le plus possible. C'était pour ces messieurs un spectacle vraiment étrange que celui qui se présentait à leurs yeux. Spectacle singulier en effet, que celui de ce père d'Angleterre, à la pâleur livide, s'éteignant par degrés, mais luttant énergiquement contre la mort, et cette jeune fille, qui, assise aux côtés du moribond, en costume de bal et d'eau très splendissante de joyaux, surveillait la lutte engagée entre le corps et l'esprit, entre la matière et l'âme. Mais, accoutumé comme il l'était aux fragilités des choses de la vie, ils ne tardèrent pas à comprendre que Lady Isabelle avait été subitement et à l'improviste rappelée d'une fête ou d'un gala. Ils s'approchèrent du malade et, tour à tour, ils lui tâtèrent le pouls en appliquant leur stéthoscope sur divers points des parois thoraciques. Ils explorèrent par l'ouïe les phénomènes que présentait l'intérieur des organes. Puis, se tournant vers le docteur Wainwright, ils échangèrent avec lui quelques paroles à voix basse. Isabelle s'était tenue en arrière et à quelque distance. Elle n'avait pas entendu ce qu'ils se disaient entre eux, mais du regard, elle avait suivi leurs mouvements et épié toutes leurs actions. Dès qu'ils eurent terminé leur examen, elle s'approcha d'eux et voulut savoir s'il restait encore quelque espoir. Les trois médecins, ne sachant que répondre, se regardaient avec embarras. L'un d'eux prit la parole et fit une réponse évasive. « Ce n'est pas cela !» s'écria la jeune fille. « Je tiens à connaître la vérité. Ne me trompez point » continua-t-elle avec surexcitation. « Je suis sa fille, son unique enfant. Ne me connaissez-vous point ?» Il devenait nécessaire de l'éloigner. Les médecins le comprirent, car l'agonie commençait. Mais elle ne voulut point sortir de la chambre et sans même répondre à leurs invitations personnelles, elle alla, le cœur plein de sanglots, s'agenouiller au chevet du lit et laisser tomber la tête sur l'oreiller où râlait son père. « Mais il faut qu'elle s'en aille !» s'écria l'un des docteurs avec irritation. « N'y a-t-il donc personne ici qui puisse exercer une autorité sur elle ?» Carlyle, qui était là présent et qui sentait la nécessité de prendre une ferme résolution, s'approcha d'elle et lui dit à l'oreille « Je comprends votre inquiétude. Elle est aussi grande que la nôtre. »« Aussi grande ?» interjeta vivement Lady Isabelle en lui lançant un regard de reproche. « Vous interprétez mal mes paroles, » reprit l'avoué. « Notre anxiété n'est rien. Je le sens auprès de la vôtre. »« Oh, mon cœur, mon pauvre cœur !» sanglota la malheureuse enfant. « Voyons, du calme, » fit Carlyle. « Du calme, » répéta-t-il. « Pardonnez-moi si je vous ai offensé, mais il est urgent que ces messieurs soient seuls. Allons. » « Quittez la chambre, je vous en conjure. » Elle se leva, passa la main sur son front comme pour assembler ses idées, puis, se tournant vers le médecin, « Est-il vraiment nécessaire que je m'en aille ? » dit-elle. « Est-ce nécessaire pour lui ?»« Absolument, » répondit l'un des docteurs. Elle partit sans ajouter un mot et se retira dans la bibliothèque. Là, devant un de ces vastes foyers où l'on empile les bûches sans les compter, elle s'assit, le front enterré dans ses mains. « Monsieur Carlyle, » s'écria-t-elle subitement. « Me voici, » répondit l'avoué, qui avait suivi ses pas. « Que me voulez-vous »« Vous le voyez, » dit-elle, « je me suis soumise à vos désirs, mais il faut à chaque instant m'apporter de ces nouvelles. « Comptez sur moi, » répondit l'avoué, et se disant, il retourna immédiatement auprès du comte, laissant Lady Isabelle avec Marvel, la femme de chambre. Il n'y avait plus rien à faire. La mort allait son train. Mort pénible et douloureuse, car le sentiment de la souffrance s'était réveillé de nouveau. Malgré l'altération profonde dans la physionomie du moribond, la lividité des lèvres, le gargouillement des liquides dans l'œsophage, l'agonie paraissait devoir être d'assez longue durée. À l'approche du matin, Isabelle devint de plus en plus irascible et rebelle. Carlyle ne cessait de lui apporter des nouvelles de son père, mais ne pouvant se résoudre à lui révéler la vérité, il avait soin de les adoucir en route. Un moment, la jeune fille perdit entièrement patience et s'emporta pour tout de bon. « Que vous ai-je fait pour me traiter de la sorte ? » s'écria-t-elle en s'efforçant d'avaler ses sanglots. « Je viens, grâce à vous, de passer ici une nuit qui m'en a semblé 10. Quand votre père était mourant, vous a-t-on ainsi exilé de sa chambre ?»« J'ai armé Lady, » répondit Carlyle. « Nous autres hommes nous sommes faits pour soutenir de paris saines. Notre nature est plus dure et plus grossière que ne l'est la vôtre. « Eh bien, je n'y tiens plus !» s'exclama Isabelle. « Je vous suis reconnaissante de toutes vos intentions à mon égard. Mais il faut maintenant que je retourne auprès de mon père. Vous ne pouvez m'en empêcher !» Carlyle courut se placer devant la porte, lui barrant ainsi le passage. Sa physionomie, tout en conservant l'expression de bienveillance qui lui était habituelle, s'anima cependant en ce moment d'un regard plein de résolution, mais d'une résolution sympathique et tendre. « Veuillez m'excuser, dit-il, mais je ne puis vous laisser sortir. » Voyant que toute résistance était inutile, elle fondit en larmes et se laissa reconduire auprès du feu. « C'est mon père, pourtant, mon bien-aimé père, et je n'ai que lui au monde, » murmura-t-elle d'une voix entrecoupée par les sanglots. « je le sais, et soyez convaincu que j'éprouve tout ce que vous ressentez. 20 fois, cette nuit, j'ai souhaité, pardonnez-moi cette témérité, j'ai souhaité que vous fussiez ma sœur, car j'aurais pu vous exprimer plus franchement et plus librement ma profonde sympathie et vous consoler peut-être. Eh bien alors, faites-moi tout connaître, dites-moi pourquoi on me tient ainsi éloigné. Si vos raisons sont bonnes, je me soumettrai à mon sort, je vous le promets. Tout ce qu'il m'est possible de vous dire, c'est que votre père est trop malade pour que vous soyez dans la chambre. Les douleurs qu'il éprouve sont trop pénibles à contempler. Est-ce qu'il se meurt ? Carlyle ne savait que répondre. Devait-il continuer à lui cacher la vérité ? Sa conscience y répugnait. « Je m'en rapporte à votre honneur, » répétait la jeune fille. « Est-ce qu'il se meurt ? Je le crains. Je le crois. » balbutia Carlyle. Lady Isabelle bondit comme une lionne et s'emparant vivement du bras de Carlyle, elle l'étreignit avec force. « Vous me trompez, » s'écria-t-elle. « Vous m'avez trompé. Mon père est mort. »« Non, » reprit l'avoué. « Je vous jure que non, mais il est au plus mal. » Elle se laissa tomber sur le canapé et cacha sa figure dans ses mains. « Ainsi donc, il me quitte. Il s'en va pour toujours. »« Oh, monsieur Carlyle, je vous en supplie. Faites que je le voie, une seconde encore, que je lui donne un baiser d'adieu. »« J'irai m'informer si cela est possible, mais promettez de m'attendre. Promettez de ne point bouger d'ici. » Elle baissa la tête en signe d'acquiescement et Carlyle quitta la bibliothèque. Un moment, il fut tenté de fermer la porte à double tour. Il l'eût assurément fait, si Lady Isabelle avait été sa sœur. Peine eut-il pénétré dans la chambre à coucher du comte, qu'il en sortit à la hâte. « Tout est fini, » murmura-t-il en rencontrant la maison dans le corridor. « Tout est fini. Et le docteur vous demande. »« Eh bien, » s'écria Lady Isabelle en voyant entrer l'avoué. « Eh bien, puis-je aller le voir ?» Carlyle s'approcha d'elle, s'assit à ses côtés, prit sa main dans les siennes et la regardant avec douceur. « Je voudrais pouvoir vous consoler. » fit-il tout bas, d'une voix saccadée et brisée par l'émotion. À ces mots, Isabelle devint d'une pâleur effroyable. Son visage était presque aussi hâve et défiguré que l'était celui que venait d'apercevoir Carlyle dans la chambre à côté. « Dites-moi tout, » soupira-t-elle, « ne me cachez plus la vérité. »« Vous l'avez deviné, » répondit Carlyle, « que Dieu vous soit en aide, chère Lady Isabelle. » La pauvre femme était anéantie, son œil était sec, une sueur froide ruisselait le long de ses tempes, tout son corps frissonna, et elle s'évanouit en poussant un cri terrible, plein d'angoisse et de désespoir. L'aube blanchissait les vitres de la fenêtre, le soleil pointait à l'horizon, et ses pâles rayons, qui annonçaient au monde la naissance d'un nouveau jour, servirent également à éclairer le passage d'une âme à l'éternité. William Vane, comte de Mount Severn, était mort.